Bienvenue aux gens sur les gens qui nous écoutent sur les ondes de danradiosport.com et également sur toutes les plateformes YouTube, Spotify et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ben, j'ai un invité quand même de marque, un joueur que vous allez entendre parler très, très bien prochainement pour un futur prospect de la NBA. Je parle de Quincy Guerrier, des Orangemen de Syracuse. On a l'occasion de le voir très régulièrement sur les ondes de ESPN et TSN au Canada. Salut Quincy! Salut, ça va bien? Ça va bien, Quincy. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu joues avec une grosse université. Plusieurs de tes matchs sont sur ESPN, TSN au Canada. J'aimerais que tu parles de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené avec les Orangemen de Syracuse? Ben, la relation avec les coachs, leur style de jeu, c'est la raison pourquoi je suis allé là-bas aussi, là. Puis la conférence, le ACC, c'est la plus grosse conférence, une des plus grosses conférences dans la ligue, dans la NCAA. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller à Syracuse. Mais au Québec, tu as joué ton basketball à quel endroit? J'ai joué pour Jean Gros quand j'étais en secondaire 1, 2 et 3. Puis après mon secondaire 3, je suis parti jouer à Ted Field Mines. OK. Quincy, si on parlait un peu de ta saison, de tes. T'as quand même, je pense que c'est ta première année avec les Orangemen de Syracuse. Tu es sur le 5 partant. Bonne saison, 15,7 points par match. L'acclimatation à la NCAA, comment ça s'est fait? C'était dur l'année passée, ma première année l'année passée, j'apprenais beaucoup et tout, mais physiquement, je pense que j'étais vraiment déjà physique et tout, donc j'avais pas vraiment de problème pour ça. C'était plus apprendre plus la game, être plus intelligent et tout. Puis là, cette année, c'est vraiment, j'ai appris de mes erreurs l'année passée et j'ai élevé mon jeu à un autre niveau cette année. C'est une grosse université, là, ici. Hein. C'est aux États. Ouais, C'est vraiment là, c'est une grosse conférence. T'as Duke, je pense que North Carolina. Non, North Carolina n'est pas là-dedans, je pensais. T'as Les Virginia. gros. Oui? Ouais. Nos carnets sont là-dedans. On a Virginia aussi dans notre OK. conférence. Florida State. Duke. Ouais, Duke aussi. Virginia qui est 9e, d'ailleurs. Ouais. C'est une bonne équipe. Ils nous ont battu cette année, je pense, par 20 points, je pense. OK. Quincy, Ouais. si on parlait un peu, est-ce que l'équipe de 5 victoires, 5 défaites, est-ce que l'équipe a des chances de participer au March Madness, qui est dans un peu plus Ouais. d'un mois, là? Ouais, il reste, je pense qu'il reste 6 matchs, 6 ou 7 matchs. On doit gagner au moins 5-6 pour nous mettre dans une position où il pourrait nous choisir pour le March Madness. Puis après ça, il y a aussi le ACC Tournament, là, le Ouais. top. Ça va nous aider aussi. Il faut vraiment qu'on gagne des matchs de suite. Comme ça va peut-être nous aider pour faire le tournoi. Mais je pense qu'en ce moment, l'énergie dans l'équipe, tout le monde est positif et tout. On a gagné la dernière game par 9 points contre NC State. Là, samedi, on joue contre Boston College, donc on devrait gagner cette game-là aussi. Puis c'est ça, comme j'ai dit, il va y avoir des grosses games. On va jouer contre Duke, Georgia Tech, Louisville et toutes ces équipes-là, donc on doit vraiment être prêt OK. et être prêt à gagner les matchs, là. Si on parlait un peu de ta prochaine décision, tu vas avoir une grande décision à prendre à la fin de la saison si tu passes dans la NBA. Je regardais les classements actuellement des draft prospects pour le prochain repêchage. Tu es bien classé avec Bénédicte Mathurin, également l'autre Québécois qui joue pour l'Arizona. Ouais. Dans ton cas à toi, tu penches pour une saison. De t'en aller dans la NBA et te mettre éligible au repêchage, ou encore jusqu'à maintenant, la décision n'est pas prise encore. La décision n'est pas prise encore. En ce moment, je m'entraîne beaucoup. Je pense juste vraiment à travailler fort, voir comment la saison va se passer. Puis justement, si on va dans le March Madness, ça va m'aider aussi plus dans ma situation aussi, le fait que on va jouer encore un plus gros niveau. Mais je ne pense vraiment pas trop à ça en ce moment. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose que je pense un peu, mais je suis vraiment focus sur être meilleur, m'entraîner fort et tout. Puis après, à la fin de la saison, ça va vraiment être une décision que je vais prendre avec mon mentor, ma famille. Puis c'est ça, là, voir qu'est-ce qui est les meilleures opportunités Est-ce pour moi. que les chances. Écoute, moi, je suis plus familier avec le football, là, mais c'est un peu le même principe, là. Est-ce que le fait. Un agent, quand il décide de vous déclarer éligible au repêchage, l'agent, il me conseille-tu? Parce que ça dépend toujours de la possibilité aussi du repêchage, comment il va être bon, la récolte, comment elle va être bonne. Est-ce que c'est plus avantageux pour toi de rester dans l'entier et de prolonger, mais risquer des blessures, ou bien d'y aller tout de suite? Ça Bonnie va. Comme j'ai signature qui risque d'être plus petit, là. Tu dit. Ouais. comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est quelque chose que beaucoup de joueurs, des fois, ils doivent penser, là. Dépendamment, tu dois regarder aussi à qui va venir l'année prochaine, ça va être comment, l'âge, plus tu es jeune, plus tu as de chance. Moi, je suis quand même vieux aussi, j'ai 21 ans, je vais être sur mes 22 au mois de mai. Donc, je regarde à toutes ces affaires-là, puis ouais, y a beaucoup d'agents qui m'ont approché aussi et tout, puis qui me disent, ils me donnent des feedbacks un peu de qu'est-ce que les NBA scouts, ils me disent et tout, qu'est-ce qu'ils leur disent à propos de moi, mais... Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est plus avantageux? Ben, pour l'instant, je sais pas exactement comme ils me disent. C'est vraiment parce que je sais pas comment ça a fonctionné pour les NBA Workout puis les NBA Combine et tout. Je sais pas comment ça a fonctionné, mais Le virtuel aussi, la fin ça virtuelle. pourrait m'avantager si j'ai vraiment des bons workouts. Parce que j'ai l'impression qu'à Syracuse, je peux pas vraiment montrer tout qu'est-ce que je peux vraiment faire parce que je joue comme pour qu'est-ce que le coach me demande de faire et tout. Puis je peux pas montrer vraiment toutes mes habiletés. Ouais. Donc c'est quelque chose que vraiment, comme j'ai dit, c'est là en ce moment, je pense vraiment à travailler fort puis tout, puis on verra qu'est-ce qui se passera à la fin de la saison. Quincy, cette année, c'est les Jeux Olympiques. Donc, Canada a des Ouais. chances encore une fois. Dernière nouvelle, je ne sais pas ce que c'est rendu, mais je pense qu'il restait un tournoi avant le COVID. Ouais. C'était difficile, mais quand même. Est-ce que tu as une possibilité d'être invité à l'équipe canadienne au camp d'entraînement? Ben, j'étais déjà en contact avec le manager de Team Canada. OK. Nick Nurse, l'entraîneur des Raptors, c'est ça? Non, ça c'est l'entraîneur, mais moi je parle du manager, lui qui OK. s'occupe de tout, d'envoyer les emails et tout. Puis j'avais parlé, j'ai envoyé mes coordonnées et tout. Donc c'est peut-être quelque chose, je sais pas. Ça va dépendre de ma situation encore une fois pour si je me prépare pour aller dans l'NBA ou pas. Mais ouais, ça serait peut-être une bonne opportunité. J'avais eu la chance il y a quoi, 2 ans, de pouvoir assister au match quand ils avaient joué contre le Brésil au centre. C'était pas au Centre Bell, mais c'était quoi le centre là, à Laval, là? Il y a un La centre. place belle. Ouais, Place Bell, c'est ça. Puis j'étais avec l'équipe et tout. Puis je regardais, puis j'étais avec les gars NBA, là, Tristan Thompson, Cale Olynyk, puis tout. Mais c'était une bonne expérience. Mais je ne sais pas, c'est toujours quelque chose que je vais considérer de jouer pour mon pays, là, pour Canada. Mais comme j'ai Surtout, dit c'est encourageant. Moi, je regarde ça, ça. là. Je regardais un vieux match des années 90 du Dream Team, puis tu avais Jordan, puis l'équipe canadienne, c'était épouvantable. Mais là, comparativement aujourd'hui, là, c'est vraiment encourageant. J'ai vraiment hâte de voir l'équipe canadienne au complet. Ça donnerait quoi, là? Non, vraiment, le Canada, c'est vraiment en train D'exploser. D'exploser, c'est le d'exploser, mot. exactement. Ouais, c'est ça. Puis, et comme j'ai dit, ça va dépendre de qu'est-ce que je vais faire avec ma décision à la fin de l'année. Puis j'avais déjà joué pour Team Canada quand j'étais en U17, quand j'avais 17 ans. On était allé au championnat du monde en Espagne, puis c'était une bonne expérience. C'était une belle expérience. Donc, si j'ai la chance de représenter mon pays encore une fois, ben c'est sûr, sûrement je vais la prendre. Puis si je OK. peux pour l'équipe, je jouerai pour l'équipe, là. Mais ça, c'est Quincy, quelque chose que... on va t'écouter encore. Le match de samedi soir, je ne sais pas s'il est présenté, c'est comme Boston College. Normalement, pratiquement tous les matchs sont présentés à ESPN, en tout cas. Bravo, bonne chance. On va suivre ta décision. J'aimerais ça t'en reparler quand tu vas prendre une décision pour le Parfait. repêchage. Merci beaucoup. Donc, Quincy Guerrier des Orangemen de Syracuse, un futur prospect pour la NBA. Hey Quincy, tu veux-tu demander, est-ce que Peter est à côté de toi? Ouais. Je veux aussi demander si, parce que j'aimerais ça faire Bénédicte Mathurin, si il y a les coordonnées du responsable des communications de l'Université de l'Arizona. Est-ce que Ouais. tu te demandes? Ok, ouais, je peux lui demander, je peux lui demander. OK. Puis, do you know the guy from Arizona? If you know the guy from Arizona, because he's trying to like talk to the guy from Canada. His name is Ben. So Foreign player. he was wondering if you know like the guy who's in Oh, charge of Arizona. tell him I'll email Ok, cool. him. Il va me l'envoyer? Il va envoyer un email au gars d'Arizona. OK, mais qui me l'envoie? Non, qui me l'envoie le nom, puis moi je vais m'en occuper, s'il dira ça. Ah, OK. Or you can send him the name to him and he said he's gonna email him or something. All right. C'est Il est bon. là? Ouais. Il Merci va te beaucoup. l'envoyer Merci il va te beaucoup, l'envoyer par Quincy, email. hein. Merci beaucoup. C'est bon, Merci. merci à toi. C'est bon, merci. OK, bye.